m'arrive ce soir. Une sorte de désespoir. Ça fait vraiment bizarre. J'avais jamais vu noir. Pas besoin de réfléchir. Je sais ce qui me dérange. Un week-end à rougir. Passer avec un ange. Déchaîne-toi. Brise-le toutes ces chaînes qui t'emprisonnent. Libère. Toujours tous les hommes. Mais pourquoi penser qu'on n'y arrivera pas? Moi j'y crois. Ça ne me ressemble pas. Je peux pas baisser les bras. Une reine sans son roi, ça mérite un combat. Peut-être bien qu'elle m'aime un peu. Qu'elle cherche les règles du jeu. Qu'elle veut juste prendre son temps. M'aimer énormément. Déchaîne-toi. Brise-nous toutes ces chaînes qui t'emprisonnent.